I'm back. Thanks a lot, PH Drum. It was so cool. Facile à chanter, quoi, les gars. Thank you. Démocratie, je bafoue ton nom aujourd'hui encore. Démocratie, je bafoue ton nom lorsque je peux voter pour tout. Vous prenez mes sous, mais pas ma voix. Ça marche pas. Should have stayed a bit. One love, one hit, one riff. one gig, one lie, one try, will fare it better now. I'm not going to do that. Ouais, j'ai le droit de commencer? Ah, je veux bien, ça me fait envie. Fa mineur. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, fais ton truc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, j'adore. Vas-y, fa mineur. Très bien, très bien. Non mais fa mineur. If I can drive a good boy, am I live a lot of and pay up for? Pay up for day, I come up, am I live a damn map and pay up? Come again, come up for them. Thank you.